بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في سورة النجم في المسألة 73 بعد 100 173 مسألة. كل مسألة كي تي سوجي d'ambiguïté par lesquelles des gens mal intentionnés ont voulu s'en prendre à la Da'wa Mubaraka du Yémen. Comment cela va pas être, Inch'Allah. Ça t'affamoun. Fa'aza raddun alayhim. Ça, c'est une réponse également, ilmi, qui leur sera donnée à ces gens-là. Fi qawlihi ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, dans ce sens, il dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion et ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Al-Najm, versets 3 et 4. قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور كما دل عليه قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم وقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. Donc là, l'auteur, rahmallahu ta'ala, il dit que ce verset, ce noble verset dans son apparent, laisse entendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait aucun ijtihad, aucun effort d'interprétation de lui-même, des choses de lui-même, dans l'absolu. Alors il dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, et ce n'est qu'une révélation qui lui inspirait. Et d'autres versets sont venus, eux, montrer l'opposé de cela. Comme qui démontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait des ijtihadat dans certains sujets, dans certaines affaires. Comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'Allah te pardonne, pourquoi l'auras-tu autorisé ? C'est-à-dire au munafiqoun de partir avant que tu ne saches, plutôt de s'abstenir de combattre, avant que tu ne saches qui était le véridique parmi eux, qui était le menteur. Surat Tauba, verset 43. Également dans le sens où Allah dit qu'un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu, c'est-à-dire mettre les mécréants hors de combat sur terre. Qu'il ait eu la victoire totale avant de prendre des prisonniers. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des prisonniers. Surat Al-Anfal, verset 67. Donc là, des versets disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des choses de lui-même avant que Allah ne lui dise de les faire. Et le verset, l'autre, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agit que sous l'effet de la révélation. Fal-jawabu an hadha min wajhain. On répond cela de deux façons. Al-awwalu huwa allazi iqtasala alayhi ibn Jarir wa saddara bihi ibn Hajib fi mukhtasarihi al-usuli. أن معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أي في كل ما يبلغه الله يبلغه عن الله إن هو أي كل ما يبلغه عن الله إلا وحي من الله لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. Donc la première réponse donnée par Ibn Jarir et par d'autres qui dit qu'en fait le sens de qu'il ne prononce pas sous l'effet de la passion, c'est-à-dire qu'il ne dit rien lorsque Allah lui a révélé. D'accord ? Dans ce qu'Allah lui a révélé, il ne dit pas autre chose que cela. Car la chose qui lui a été révélée n'est qu'une révélation inspirée. Donc, dans ce qu'Allah lui a accordé comme révélation, il ne dit pas autre chose, il n'agit pas autrement. فَالْآيَةُ رَدُّنَا الْكُفَّارِ حَيْثُ قَالُوا إِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَى هَذَا الْقُرْآنَ كَمَا قَالَ إِبْنُ حَاجِبٍ. Et ce verset est une réfutation aux mécréants qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inventé ce Coran. Donc, en fait, c'est pour leur dire que non. Ce qu'il a dit, c'est une révélation qui lui a été accordée. Donc, ça, c'est la première réponse. Al-wajh thani annahu in ijtahada fa innahu innama yajtahidu bi wahyi min Allah ya'zan lahu bihi fi dhalika al-ijtihad. Wa 'alayhi fa ijtihaduhu bi wahyi fala munafata. Fala munafa, afan. Deuxième réponse, c'est que si jamais il fait un ijtihad, cela n'est qu'une chose qui lui est accordé, c'est-à-dire par la révélation d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que Allah lui autorise de faire cet ijtihad. Allah lui permet de faire cet ijtihad. Donc, cet ijtihad qu'il fait, son origine vient de quoi? Du wahi, que Allah lui a permis de faire cela. Donc, il n'y a pas de contradiction dans le verset. قال ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده في الإذن لمتخلفين عن غزوة تبوك أذن الله له فيه حيث قال فأذن لمن شئت منهم فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Donc ce qui prouve justement cette réponse, c'est مثلاً l'ijtihad qu'il a fait dans ce qu'il a permis à ceux qui n'ont pas participé à la guerre de Tabouk, que Allah lui avait permis justement de laisser des gens s'abstenir, dans le sens où Allah dit et permet à qui veux-tu, à qui tu veux parmi eux. Sourate An-Nur, verset 62. Mais lorsque il a fini par autoriser à des hypocrites de s'abstenir, Allah Azza wa Jal a'atabahu kama al-mu'allif, c'est-à-dire qu'Allah l'a réprimandé en lui disant qu'Allah te pardonne, pourquoi l'auras-tu permis avant de savoir parmi eux qui était le véridique et tu saches qui était les menteurs. Donc à la base, il avait l'autorisation de faire ça pour qui il veut. Puis par la suite, il y avait des munafiqoun et lui n'a pas su qui était le menteur et qui était le véridique, donc il a autorisé à tous ceux qui l'ont demandé. قال فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين لا في مطلق الإذن للنص عليه. Donc en fait, l'ijtihad en réalité, c'est dans le fait qu'il y a eu la permission avant qu'il ne sache la chose. Et non pas une permission totale. D'accord ? Et non pas une permission totale. ومسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول. Justement, cette masala de l'ijtihad du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, est-ce qu'il a fait ijtihad ou pas ? C'est une masala sur laquelle il y a eu beaucoup de khilaf entre les ulama. وسبب اختلافهم وتعارض الآيات في ظاهر الأمر. Et la cause qui a amené à ce qu'ils fassent cette divergence entre eux, c'est à cause de l'apparence des versets qui disent justement qu'il ne fait pas des shihad. قال مكيده عفى الله عنه الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه ربما صلى الله عليه وسلم فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه كإذنه للمخلفين من المخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم كأسره الأسارى ببدر وكأمره بالترك تأبير النخل كقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرته الحديث إلى غير ذلك. Donc il a dit quoi l'auteur? Que ce qui apparaît c'est qu'en réalité par rapport à cette masala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des ijtihadat dans certains sujets. Et cela sans qu'il n'ait reçu de révélation. Et cela sans qu'il n'ait reçu de révélation dans les choses qui lui étaient propres. Comme par exemple, lorsqu'il a autorisé à ceux qui sont abstenus de faire le combat, avant qu'ils ne sachent qui était le menteur et qui était le véridique. Également lorsqu'il a fait prisonnier des gens de Badr, avant qu'il ait l'autorisation de cela. Ou également dans l'affaire du Nakhl, lorsque les Sahaba lui ont demandé à propos du Nakhl, de quelle façon le faire pousser, et il leur a donné un conseil, et il s'est avéré que ce conseil-là n'a pas été fructif. Et donc de là, il a dit, Antum a'la bi amr dunyakum. Il leur a dit que vous êtes plus savants de ce qui concerne votre dunya. Donc c'est des choses qui n'étaient pas liées à l'ijtihad, qui n'étaient pas liées à la révélation. وَمَّا مَعْنَا قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى لَا إِشْكَالَ فِيهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتِقُ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْلِ الْهَوَى وَلَا يَتَكَلَّمُ بِالْهَوَى. Et donc par rapport au verset, lorsqu'il dit qu'il ne parle pas sur le feu de la passion, il n'y a aucun problème par rapport à ce verset, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais dans ce qu'il fait par passion. Jamais. Que ce soit ijtihad ou pas, ce n'est jamais par passion. Wa qawluhu ta'ala in huwa illa wahyun yuha. An kull ma yuballighuhu 'an Allah fa huwa wahyun min Allah, la bi hawa wa la bi kadhib wa la iftira wa al-'ilmu 'inda Allah ta'ala. Donc, dans la parole, lorsqu'il dit que ce n'est qu'une révélation qui lui a inspiré, c'est-à-dire que tout ce qui lui provient d'Allah Azawajel n'est qu'une révélation d'Allah Azawajel. Pas de passion, pas de mensonge et pas d'invention. Naam. Donc là, la mas'ala le Khurasan, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il y a des choses. Comme cela avait été reproché à notre shir, Yahya al-Hajuri, qu'il a dit que la sunna, une partie d'elle, et révélation, une autre ne l'est pas. C'est qu'en réalité, toute la sunna est révélation. Mais une partie de la sunna qui était donnée directement par la révélation d'Allah Azzawajal, et certains faits de la sunna ont été faits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un ijtihad de lui-même, puis Allah l'a approuvé en cela. Donc c'est une révélation. Cependant, avant qu'il n'ait reçu le wahi, il a agi de lui-même. Et de là, soit il a vu juste et Allah le confirme, ou soit alors ce n'est pas le cas et Allah l'a corrigé par rapport à cela. Donc si je reviens, est-ce que ce soit une révélation? Donc il n'y a pas de contradiction dans les faits. Naam. Donc ça c'était la mas'ala et c'est aussi le col de Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala. Fabi dal kod naktafi wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.